Chapitre 35. Les droits du mari sur sa femme. Allah Ta'ala dit: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, et protègent ce qui doit être protégé en l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Sourate 4, verset 34. Parmi les traditions prophétiques concernant ce chapitre, le hadith numéro 276 de Amr ibn al-Ahwas cité à la fin du chapitre précédent. 281. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsqu'un homme appelle sa femme à son lit et qu'elle se refuse à lui et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, rapportée également par Al-Bukhari et par Muslim, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: si une femme abandonne une nuit le lit de son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. Al-Bukhari et Muslim. Dans un autre récit, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, il n'y a pas une femme que son mari appelle à son lit et qui se refuse à lui sans que celui qui est au ciel, fit sama, soit en colère contre elle jusqu'à ce que son mari soit à nouveau satisfait d'elle. Al-Bukhari et Muslim. 282. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: il n'est pas permis à la femme de jeûner en la présence de son mari, ni de permettre à quiconque d'entrer dans sa maison sans son autorisation. Al-Bukhari et Muslim. 283. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: chacun de vous est responsable et sera interrogé au sujet de ceux qui sont sous son autorité. Le dirigeant est responsable. L'homme est responsable de sa famille. La femme est responsable de la maison de son mari et de ses enfants. Chacun de vous est responsable et sera donc interrogé au sujet de ceux qui sont sous son autorité. Al-Bukhari et Muslim. 284. D'après Abu Ali, Talq ibn Ali, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsqu'un homme appelle sa femme afin de satisfaire ses besoins sexuels, celle-ci doit venir, même si elle est occupée au four. Rapporté par At-Tirmidhi qui a dit: hadith Hassan Sahih, et par An-Nasa'i. 285. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: si j'avais dû ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan Sahih. 286. D'après Salama, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: toute femme musulmane qui meurt, alors que son mari est satisfait d'elle, entrera au paradis. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan. Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimahullah. 287. D'après Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: chaque fois qu'une femme cause du tort à son mari dans ce monde, son épouse parmi les houris s'exclame: ne lui fais aucun tort, qu'Allah te fasse périr. Il n'est que de passage chez toi et peut à tout moment te quitter pour nous rejoindre. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan. 288. Selon Usama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: je n'ai pas laissé après moi de plus grande épreuve pour les hommes que les femmes. Al-Bukhari et Muslim.